Chapitre 15e. Cœur de lièvre. Depuis qu'il était tombé dans les mains de ses ennemis, un frisson de terreur agitait Paulin Broquet. Tout son corps était secoué par un tremblement de peur. Sous son capuchon de drap épais et lourd, on entendait ses dents claquer. Il n'essaya pas de résister, cela eût été inutile. D'ailleurs, il ne le pouvait pas, ne s'en sentant pas le courage, n'ayant même pas l'idée de lutte, de révolte. Ceux qui le portaient ainsi pénétrèrent dans l'atelier. Ils lui enlevèrent son veston, son gilet, sa chemise, lui mirent le torse à nu, puis le lièrent par les bras à l'appareil de torture. Le tribunal de Zigomar était au complet comme nous l'avons déjà vu. Paulin Broquet comprit qu'on l'asseyait sur une chaise, qu'une corde plus solide lui était passée sous les bras, qu'un appareil quelconque dont il ne devinait pas la forme était relié à cette corde. Il n'en trembla que de plus belle, se doutant bien qu'on lui préparait un supplice de vengeance. Zigomar fit un signe. Un des hommes qui entourait le détective détacha le nœud coulant retenant le capuchon de laine et l'enleva de la tête du prisonnier. Paulin Broquet jeta tout autour de lui des yeux éblouis par la lumière à laquelle subitement ils étaient soumis, agrandis et rendus vagues, troublés par l'effort, par l'épouvante. Il ouvrit la bouche qui tremblait encore. Il voulut crier, appeler au secours, mais aucun mot ne put sortir de sa gorge oppressée. Il vit auprès de lui deux hommes vêtus de cagoules noires, et devant lui d'autres hommes derrière des tables couvertes de draps noirs, vêtus aussi de cagoules mais rouges. Il vit le Z symbolique tranché terriblement sur tout ce noir, sur tout ce rouge. Personne ne bougeait. Il pouvait croire qu'il rêvait un fantastique cauchemar de nuit de fièvre. Maintenant, Paulin Broquet tenait rivés ses yeux sur la cagoule au galon doré qui dominait l'assemblée. Et son regard semblait plus affolé encore. Cette immobilité, ce silence, était angoissant. Jamais condamné à mort nu à l'aurore, réveil plus horrible, plus dramatique. Les aides paraissaient jouir du spectacle de peur, d'épouvante que leur donnait en ce moment le détective. Par les trous de leur cagoule, les yeux jetaient des éclairs de triomphe, de joie. Enfin, celui qui revêtait la cagoule au galon d'or parla, sans toutefois se départir de son immobilité absolue. Il dit « Salut, Paulin Broquet !» Le détective alors, semblant revenir à lui, s'arrachait à son cauchemar d'épouvante, agita la tête, balbutia « Je ne suis pas Paulin Broquet !» Un silence long, lugubre, poignant, suivit cette dénégation inattendue. Les hommes qui entouraient le détective ne bougèrent pas plus que des cariatides, et les autres derrière les tables conservèrent leur impressionnante immobilité de sphinx. D'une voix rauque, étranglée à la gorge, le détective reprit, essayant cette fois de hausser le ton, « Je vous affirme que je ne suis pas Paulin Broquet !» Le même silence suivit ces paroles, la même impassibilité, la même immobilité. Paulin Broquet tourna la tête à droite, à gauche, s'adressant à ceux qui étaient plus près de lui, comme s'il espérait se faire mieux comprendre enfin de ceux-ci, puisque les autres, derrière leur table, le tribunal, lui semblaient trop loin, et paraissaient ne pas pouvoir entendre. Mais ses gardes ne bougèrent pas plus que précédemment. Le détective n'aurait pas vu ses cagoules se soulever sous les respirations, qu'il aurait pu les croire véritablement en pierre, en bronze, en matière insensible et inerte. Au bout d'un moment, comme si maintenant il se trouvait satisfait du spectacle, assez repu de la terreur de cet homme, de ce prisonnier, la cagoule au galon d'or parla de nouveau et dit « Une fois de plus, Paulin Broquet, tu peux constater que Zigomar est le plus fort. » Paulin Broquet voulut protester encore. « Je ne suis pas, » commença-t-il. Mais Zigomar, celui qui tenait ce rôle, Zigomar l'interrompit. « Tais-toi, tu parleras quand Zigomar te le permettra. » Il reprit. « La chance t'a favorisé. Le hasard, ce dieu des policiers, a bien fait les choses une fois pour toi. Il t'arrachait la condamnation que Zigomar t'avait infligée. Il t'a tiré de l'immense tombeau d'où personne avant toi n'était jamais sorti. » Paulin Broquet murmura. « Mais puisque je vous dis que je ne suis... » Zigomar n'eut pas l'air d'entendre, il poursuivit. « Tu es sorti vivant de la barbotière. Et tu prends soin de venir ici toi-même, nous avertir que nous perdrions notre temps à guetter ton cadavre sur les bords de la Seine. C'est parfait. » Paulin Broquet essaya de dire « Je n'ai pas été à la barbotière, je n'ai pas... »« Zigomar !» ajouta l'orateur, élevant la voix pour couvrir ses paroles. « Zygomar a rendu ce soir-là hommage à ton courage, à ta vaillance, à ton héroïsme. Et Zygomar, aujourd'hui encore, te manifeste son admiration devant ta nouvelle tentative. Ce n'est pas moi. Seulement, tu dois comprendre que le hasard a pu te favoriser une fois. Zygomar, qui est plus fort que le hasard, devait trouver sa vengeance. Cette vengeance, nous la tenons. De nouveau, te voilà dans les mains de Zygomar, et cette fois, rien ne sera livré au hasard. » Paulin Broquet balbutia « Grâce, grâce !» Zygomar s'écria « Grâce ? Tu demandes grâce, toi, Paulin Broquet, toi, tu demandes grâce à Zygomar ?» Il eut un long éclat de rire. « Ah ah ! En vérité, voilà qui est étrange. Voilà réellement de quoi nous surprendre. Paulin Broquet demande grâce. Puisque je ne suis pas Paulin Broquet, c'est bon. » Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire que nous goûtons la joie d'une de nos plus belles victoires, ici, ce soir. Voici longtemps déjà que nous attendions cette heure, et que, comme toi, nous préparions notre coup. Il n'est pas que toi, Paulin Broquet, qui sache tendre un piège. Il n'est pas que la brigade de Broquet qui puisse faire preuve de force et de ruse. Les Broquets sont merveilleux, mais les aides ne le leur cèdent en rien. En voici la preuve. » Zygomar, après un court silence, reprit. « Ainsi, tu mets des agents aux écoutes chez notre ami Clafou, et les enfants de l'Aveyron, où nous pensions nous trouver en sécurité, sont pleins d'embûches. Quand quelques-uns des nôtres prennent une voiture pour venir ici, des gens à Paulin Broquet les suivent. Ils découvrent notre nouveau refuge. Des lieutenants de Paulin Broquet revêtent l'uniforme de l'armée et viennent faire palpiter le cœur sensible de cet ample et sentimental Madame Mélidon. Enfin, on prépare le coup et chez Zulma, on espère renouveler l'exploit de la Barbotière. C'était hardi, j'en conviens. Mais c'était de la folie de votre part. Et je m'étonne que ce proverbe, cependant un des rares qui n'ait pas de contrepartie, soit sorti de votre mémoire. Chat échaudé craint l'eau froide. » Zygomar ne pouvait désormais se laisser surprendre. L'orateur s'arrêta comme il lui arrivait après chaque tirade, puis il reprit. « Ainsi, nous savons que Paulin Broquet a établi sa souricière autour de la maison des époux Mélidon et qu'il croit nous tenir dans son filet. Mais nous avons, nous aussi, préparé tout pour lui échapper et pour que cette lutte tourne en triomphe pour Zygomar. Nous l'avons tranquillement laissé regarder nos hommes grimper à l'échelle. Nous t'avons laissé pénétrer dans la maison en faisant semblant de sonner et en te servant du passe-partout dont ton lieutenant à la mort s'assit habilement pris l'empreinte. Seulement sache qu'un peu de cire à modeler était resté après le passe-partout de Zulma, et que Zygomar savait dès ce moment comment Paulin Broquet pénétrerait dans la maison meublée de M. Mélidon. Sache aussi que ce soir l'homme de garde au bureau est un homme de Zygomar, et que dès que Paulin Broquet pénétra dans la maison, malgré son habileté, il était déjà prisonnier de Zygomar. Tu es entré dans la maison dont Zygomar est le maître. Tu es venu jusqu'au deuxième étage sans que rien de suspect éveillât ton attention. Tu as pris la précaution de fermer à clé la petite porte du refuge de l'escalier. C'était prudent, tu devais le faire en effet. Mais Zygomar, prévoyant cela, avait soin de dévisser la gâchette. Donc le pêne poussé par toi a mordu dans une gâchette libre, que retenait fortement une de nos aides. Et cette porte que tu croyais fermée était libre. Derrière elle, deux aides se tenaient prêts, si tu l'ouvrais, à te faire ce qu'ils t'ont fait, quand quelques secondes après, rassuré, tu reprenais ton ascension. Et maintenant te voici, lié à cette chaise, qui va être pour toi la chaise de supplice. Car nous n'allons pas nous contenter aujourd'hui de te tuer. Nous voulons une vengeance plus longue, et tirer profit d'abord de ta capture. « Pitié, pitié !» cria Paulin Broquet, et maintenant des larmes coulaient de ses yeux. Zygomar s'arrêta un moment, étonné. Comme lui, ses acolytes regardaient avec une stupéfaction profonde cet homme qui, là, devant eux, sur cette chaise, donnait les preuves d'une si grande frayeur, qui tremblait et montrait une telle lâcheté devant le péril, l'annonce du supplice, une telle veulerie. Tous se souvenaient de la bravoure de Paulin Broquet, de son attitude admirable dans l'antre de la Barbotière. Tous le voyaient encore se dressant, hautain, méprisant, les bras croisés, et souriant devant la foule des aides qui hurlaient, réclamant sa mort. À ce moment qui était aussi terrible que le présent, Paulin Broquet s'était montré magnifique, chevaleresque, merveilleux. Et maintenant c'était un poltron qui tremblait, qui suait la peur, que l'effroi affolait, une loque humaine qui pleurait et demandait grâce. Mais Igomar ne devait pas s'attarder à cette constatation déconcertante. Il fit un signe. Deux des hommes qui se tenaient derrière Paulin Broquet s'approchèrent de la chaise du prisonnier. Ils donnèrent un tour aux quatre bras d'un treuil adapté derrière cette chaise. Paulin Broquet allait pousser un hurlement de douleur, mais l'un des hommes qui se tenait devant lui lui appliqua aussitôt un tampon de drap sur la bouche et étouffa ses cris. Le treuil était une réduction du fameux garrote espagnol, adapté derrière la chaise, mais au lieu de serrer le cou, le carcan que les branches manœuvraient tirait les cordes reliant les bras et les épaules. Elle tirait les membres en sens inverse, en sens contraire de leur direction naturelle. Par conséquent, la douleur était extrême, et un peu plus de tension devait amener fatalement le bris des membres, l'un après l'autre, en plusieurs endroits, aux poignets, aux avant-bras, aux bras et enfin aux épaules. Le supplice devait être effroyable. Il pouvait durer au surplus très longtemps. La mort ne devait venir délivrer le malheureux qu'après de longues heures de souffrances indescriptibles. Paulin Broquet comprit aussitôt quel genre de torture on allait lui infliger. Il se sentit perdu.